Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Grosse nouvelle hier dans le monde du hockey. Seattle, c'est pratiquement fait, aura son équipe en 2020. Également, ben, les Hurricanes de la Caroline ont été vendus. Les Hurricanes vont rester en Caroline au moins jusqu'à pour les 7 prochaines années. Ça veut dire quoi pour Québec? La question que je vais poser à Phil Desgagnés ce matin. Salut Phil! Salut! La question que je vais te poser, Phil, dans le fond, là, on a-tu déjà passé proche? Ou on s'est conté des histoires et on s'est cru? Moi, la question que je me pose actuellement, ouais, est-ce que les politiciens qui voulaient vraiment un amphithéâtre majeur à Québec, parce que le Colisée n'était pas à cette date-là, ouais, à Québec, se sont servis de cet argument-là pour convaincre les gouvernements et la population de dire « ça nous prend un gros projet, ça nous prend un nouvel amphithéâtre ». Moi, je pense qu'on s'est servi de ça. Pas juste ça, Phil. La Baume s'est fait élire à Québec avec la promesse de ramener l'ordi. C'est pour ça que je te dis, est-ce que les politiciens sont servis de ça, ouais, pour vraiment relancer le projet d'un nouvel amphithéâtre? Et là, c'était... Tu sais, tout le monde sait très bien qu'à Québec, le départ des Nordiques, il y a plusieurs années, ça a été une catastrophe économique, un. Mm. Et deux, c'est une catastrophe également au niveau visibilité. Parce qu'un club de la Ligue nationale dans une ville comme Québec, Montréal, Toronto ou Ottawa, c'est une visibilité à travers toute l'Amérique du Nord. Donc, à ce moment-là, on a trouvé une façon de dire aux gens, il y aura un club d'expansion. En plus, on avait trouvé un partenaire qui était prêt à mettre beaucoup d'argent et de crédibilité en Québécois. Et c'est là que le projet est parti tranquillement. Puis là, le monde a embarqué dans le fait de dire, ben oui, écoute, on n'a pas le choix, là. Si on veut un club de la Ligue nationale, ça nous prend un nouvel amphithéâtre avant de dire qu'on va en bâtir un dans 3 ou 4 ou 5 ans. Et je pense que c'est ça qu'on s'est servi. Sauf que on a vécu avec ça pendant quelques années, on y a cru, mais depuis qu'on a décidé de dire, il y a 2 ans, ou 3 ans, en tout cas, de dire, il y a une seule équipe d'expansion, et c'est Las Vegas, et là, on savait très bien que la prochaine expansion ne viendrait pas dans l'Est, à cause du nombre d'équipes qu'il y a dans l'Est et dans l'Ouest. C'était très clair. Et deux, est-ce que Québec accepterait demain matin de dire un club d'expansion? Oui, tu vas me dire cette année, la nouvelle formule qu'on fait des clubs d'expansion donne une chance à ces clubs-là d'être compétitifs. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis ça, la Ligue nationale a pris des bonnes décisions là-dessus. Las Vegas est très compétitif au moment où on se parle, quand on regarde les résultats. Mais moi, je suis pas surpris que Seattle... D'abord, Seattle, c'est une ville de hockey depuis des années. Ils ont une franchise dans le junior de l'Ouest. Pas juste ça, Phil. Ils ont Boeing, Microsoft, Amazon, toutes les sièges sociaux de l'argent. Expansion, puis en pleine croissance. Et deux, tu sais comme moi, Danny, quand on voit des choses comme ça, la vente de billets de saison passe par et des loges sont portées par des grandes compagnies. Ouais. Exactement ce qu'il y a à Seattle. Donc moi, je n'ai pas été surpris hier qu'on ne veut pas déménager la Caroline. Ça, Bettman, il l'a dit depuis des années. Et là, malgré la baisse d'assistance, il n'y a pas de monde, n'importe quoi. Donc, et moi, personnellement, hein, même s'il y a des gens qui ne croient pas à ça, Montréal n'a pas beaucoup d'intérêt, Ottawa non plus, d'avoir une équipe à Québec. Ouais. C'est un marché qu'on va diviser. Déjà, c'est difficile pour les sénateurs. Et je serais, rappelle-toi, il y a quelques semaines, c'est Don Cherry qui a dit aux gens d'Ottawa, réveillez-vous, là, si vous n'avez pas un amphithéâtre dans le centre-ville bientôt, vous risquez de vous faire déménager votre club à Québec. Le club est à vendre aussi, puis j'ai parlé avec des descripteurs des sénateurs. Donc, mais à Québec, je pense et je continue de penser que si un jour il y a une équipe, et je dis bien si un jour il y a une équipe, ce ne sera pas une équipe d'expansion, ce va être une équipe qui va déménager, une équipe. Puis, de même, hier en conférence d'après, ils ont dit est-ce qu'il y a possibilité de déménagement à Québec? Est-ce que personne s'attendait à ce que Bettman dit peut-être, on ne sait pas, il y en a dans une situation difficile. Il n'y a personne qui en a parlé, Danny, là. Ben c'est pas normal. Quand tu as une compagnie, tu dis pas sur la place publique que ça va mal. Actuellement, tout ce qu'on dit, il y a 10 marchés qui perdent l'argent, les autres en font, il y a une répartition d'argent dans les petits marchés qui fait que les propriétaires, et deux, 90% des propriétaires de la Ligue nationale ont les poches pleines, puis creuses, puis ils ont de l'argent, puis c'est pas nécessairement un problème de finance. Mais Phil, je reviens sur Québec, sur les gens, là. C'est la question initiale. Est-ce qu'on a vraiment passé proche? Dans le fond, ça faisait l'affaire également de Québécois. Québécois, combien de copies qu'ils ont vendues en faisant rêver les gens de Québec et en interviewant Peter Stachny? Oui, nous sommes... Je pourrais dire, Danny, que Québécois n'y croyait pas pour une raison. C'est que les droits de TV qu'ils ont acquis à coût de millions, qui leur coûtent une fortune, qui font des déficits depuis quelques années, eux autres, ils croyaient vraiment qu'avec Québec demain matin, c'était vraiment pour eux une ouverture tout à fait extraordinaire. Parce que tu sais comme moi que la Ligue nationale, puis les stations de télévision, puis tout le monde, vivent avec des cotes d'écoute, puis vivent également avec des contrats importants de publicité. À ce moment-là, si Québécois aurait obtenu une franchise à Québec, c'est sûr que là, on aurait présenté probablement les 60 ou 80 matchs des Nordiques de Québec, plus les contrats, les matchs avec les Canadiens. Donc, ça aurait été vraiment, pour eux autres, un endroit pour beaucoup moins perdre d'argent avec leur réseau de sport qui s'appelle TVA Sport. Ouais. Mais c'est pas arrivé pour l'instant. Puis, écoutez, encore là, il y a deux semaines, à Montréal, à la même table, tu as vu, lors d'une réunion pour le centenaire de la Ligue nationale, à la même table, tu as vu Pierre-Carl Péladeau assis avec Gary Bettman, puis avec Brian Mulroney, puis ces gens-là. Donc, il n'y a sûrement pas une si mauvaise communication. Mais est-ce que demain matin, Québécois veut vraiment une équipe à Québec à tout prix pour réussir à rentabiliser leur droit de télévision? Ça, je suis pas sûr, puis je connais pas la réponse. C'est rendu très, très, très, très. C'est rendu, en tout cas, pas juste ça non plus. Il y a une nouvelle donnée qui a changé, Phil. Maintenant, les gens se désabonnent de plus en plus du corps. Mais écoute, Québécois, c'est encore sa vache à lait, là, puis c'est encore l'endroit où ils font plus d'argent, là. Ouais. Ça demeure là. Et le cellulaire. Pour eux autres, c'est important, là. Oui, mais le cellulaire, Phil. Les cellulaires, en ligne de compte, sont importants également. En tout cas, mais on a vu comment Bettman, quand ça y tentait, puis quand ça tente d'aller dans une équipe, dans une ville, comment il est pressé, puis quand ça y tente pas, comment il est. T'as-tu vu comment qu'à Seattle, ça a pas été long, mardi, c'est mardi que ça a passé le ouais, mais il est déjà rendu là. Hein? Oui, mais Danny, je peux dire que ça devait se préparer depuis longtemps. Mais il n'a pas inventé ça, puis c'est pas. Il a choisi le moment, puis la ville a choisi le moment pour l'annoncer. Moi, je pense que tout était planifié par la Ligue nationale, par la ville de Seattle, puis les futurs propriétaires de l'équipe. Ce matin, dans le Seattle tout Times. Tout était planifié à dire, voici, on fait une réunion à telle date, l'annonce de la ville de l'amphithéâtre à telle date, on fait ça, on va arriver avec une réunion de l'exécutif et des bureaux des gouverneurs. Ben, moi, je pense que tout était planifié depuis plusieurs semaines pour cette annonce-là. Il n'y a aucun doute. Ce matin, dans Seattle Times, Phil, le maire de Seattle, il a dit... Je pensais pas qu'elle allait arriver si vite que ça. Ah ben là, hey, Danny, on sait comme moi qu'on n'est pas obligé de toujours nous dire la vérité. Hein. En parlant d'amphithéâtre, c'était le Talk of the Town cette semaine avant la sortie de Jean Tremblay. Une autre sortie, c'était Gilles Courteau. Et j'ai eu Gilles Courteau, j'ai eu Richard Letourneau, j'ai eu Simon Tremblay. Puis avec Simon, j'y ai posé la question. J'ai dit, Simon comme observateur, puis qu'il y a une émission d'affaires publiques. J'ai dit, Simon, moi, je me rappelle très bien de Claude Brochu à l'époque, quand Bud Selig était venu voir Lucien Bouchard. On savait tous que c'était une commande des expos pour le nouveau stade. Puis j'ai demandé à Simon, j'ai dit, penses-tu que c'est une commande des Saguenayens de Richard Letourneau par en arrière? Il a dit, je pense pas que c'est Richard Letourneau. Il dit, Phil Desgagnés, tu sais comment il est proche de Gilles Courteau? J'ai pensé à ça. C'est Phil. C'est toi qui es par en arrière qui a stagé cette sortie-là? Il y a une chose que j'ai fait il y a deux ou trois semaines. Okay. J'ai écrit, lors de la campagne électorale, que je n'avais pas entendu les quatre candidats sur une ouverture pour bâtir un nouvel amphithéâtre dans le centre Vézina. À ce moment-là, en pleine campagne électorale, et je peux dire que tout le monde était fragile puis n'osait pas s'élever sa place publique. Aucun des candidats en place n'a parlé officiellement, ouvertement, d'un projet de centre Vézina. Dans le même temps, le premier ministre du Québec, M. Couillard, après les annonces puis tout ce qui s'est fait à Robertval, a dit « Mon prochain dossier important au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le centre Georges Vézina. » C'est pas moi qui ai dit ça, là. C'est le premier ministre du Québec, M. Couillard, qui a dit ça. Mm. Il dit « Nous, on est ouverts à collaborer avec la ville et parler avec ces gens-là. » Peux-tu avoir une meilleure ouverture que ça du gouvernement provincial? » parce qu'ils vont en payer le tiers, de voir ça. En plus, dernièrement, dans ton secteur, Danny, à Dolbo, les libéraux ont tout fait. Le premier ministre est venu 3 ou 4 fois dans le secteur pour faire élire un libéral dans le coin. Mm. Donc, à ce moment-là, c'est que le premier ministre du Canada, lui, veut absolument avoir également des députés dans le coin. Donc, il y a intérêt également dans son cas. Et au centre Vézina, on sait très bien, depuis quelques années, et d'ailleurs, c'était sur les planches de dessin, j'ai vu des plans de rénovation au centre Vézina. Je le dis, parce que M. Tremblay, l'ancien maire, lui, était plus favorable à une rénovation qu'à un amphithéâtre neuf. Mais moi, à ce moment-là, quand j'avais écrit cet article-là, j'avais dit, on fait pas du neuf avec du vieux. Et quand j'ai mis mon article dans le journal, sur Twitter, M. Gilles Courtois a marqué « Très bon article, Phil. C'est le temps que la ville de Saguenay et que les partisans des Saguenayens aient un amphithéâtre au goût de 2018. » Et ça a été le seul commentaire de Gilles Courtois, mais le commentaire voulait dire quelque chose, mais ça lui ouvrait une porte. Deux, c'est son rôle à lui de voir comment vont ses équipes, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que Bettman se mêle des dossiers? Quand il dit à Winnipeg, c'est le temps d'avoir un amphithéâtre neuf. Mm. Si vous n'avez pas le choix, la ville, un jour ou l'autre, on devra déménager en franchise. Il se mêle de la politique du coin, mais il leur lance un message. Ouais. Je ne dis pas que demain matin, Gilles Courtois dit à Chicoutimi, vous allez déménager votre franchise. Ça, il n'y a pas de... Et je pense pas qu'on en est rendu là, parce que c'est une franchise qui est là depuis au-delà de 40 ans, et l'une des plus vieilles années. Mais il est conscient que Centre Vézina est complètement passé de date au niveau de ce que maintenant exige la Ligue junior. Danny, quand il n'y a pas souvent des matchs en TV des Saguenay, c'en est une des raisons, mais quand il y en aura un, il y en a un le 20 janvier, tu regarderas à la télévision la qualité de l'image. C'est affreux. L'ombrage sur la glace des joueurs, il n'y a pas d'éclairage, c'est un vieil amphithéâtre, et je pense qu'on est rendu maintenant à avoir un amphithéâtre. C'est pas juste ça, d'ailleurs. Ouais, c'est pas juste ça, Phil. Il n'y a pas juste ça. C'est faire du neuf avec du vieux. À quelque part, là, tu construis tout, mais la structure est encore vieille, va être de 90 ans. Puis dans 20 ans, ça va être à refaire, à repenser, à encore à bâtir. Il y a une lettre ouverte aujourd'hui dans le journal Le Quotidien de Christian Jonca, qui lui a fait des recherches et auprès de certaines parties de gens. Puis lui, il dit que pour avoir parlé à des gens qui sont des spécialistes au niveau du béton, la durée de vie d'un immeuble de béton est de 70 ans. Sinon, ça exige énormément de réparations et on n'est jamais sûr des résultats. Ben, je pense que ça, c'en est un bel exemple. Et deux, on peut penser à un centre multifonctionnel. Ben, c'est exactement. À Gatineau, il se bâtit un nouvel amphithéâtre, 4 glaces, avec un show de soccer et tout, pour 110 millions. Trois-Rivières, bâtir un amphithéâtre, 2 glaces, autour de 50 millions. Shawinigan, la même chose. Il n'y avait pas un dôme, il n'y avait pas un projet de dôme de soccer qui a été abandonné. Tu pourrais pas faire un genre de multi. Ça fait des années qu'on en parle, ça se réalise. Oui, mais tu pourrais pas faire. Le jour où la ville ou les gouvernements vont embarquer. Moi, je pense que c'est clair, ça prend ça. Et je pense qu'on est rendu là. Il y a 2 semaines, un reportage à la télévision nous démontrait que le palais d'agriculture était rendu maintenant à son fin de règne également. Mm. Et si vous avez vu cette semaine le reportage de Jean-François Tremblay à TVA, où il montrait les dessous du centre Vézina, vous avez pu vous rendre compte comment c'est la désuétude en dessous des estrades, partout à l'arrière des machines, au niveau des machines et des réparations, des renvois d'égouts. La toiture est complètement finie. On est obligé de déménager. Aussitôt qu'il tombe 6 cm de neige, même pas un pied de neige, suite des hommes sous le toit, ça nous coûte une fortune à déneiger ça tous les hivers. Je pense qu'on est rendu à penser maintenant de bâtir un nouvel amphithéâtre. Et deux, à Shawinigan. Moi, je me rappelle très bien l'ancienne aréna Jacques Plante qui était désuet et le monde n'y allait plus parce qu'il trouvait quelque chose. Le moment où ils ont bâti un nouvel amphithéâtre, les moyennes d'assistance ont doublé. Alors qu'ils étaient de 16 à 1700 spectateurs, les Cataractes, même avec une équipe très ordinaire cette année, dernier au classement général, jouent une moyenne de 3400 personnes par match. Ben, c'est la super nouveauté. C'est un happening. Ouais. Tout l'amphithéâtre est bien organisé. Il y a des jeux de couleurs, de vidéos, comme tu vas au Centre Bell. Danny, tu sais comme moi, quand tu vas au Centre Bell, tu passes la moitié du temps à regarder tout ce qui se passe dans l'amphithéâtre. tellement il y a de l'animation puis c'est bien organisé sur le plan technique. Ben, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra penser à ça. Et l'autre chose que les gens oublient, les fameuses loges corporatives, c'est le pain et le beurre des équipes de la Ligue junior majeure du Québec pour réussir à faire leurs frais et faire des profits. À qui appartient l'équipe des Saguenayens et qui paye les déficits qui paye qui absorbe les profits? C'est la ville de Saguenay. C'est eux qui sont propriétaires de la franchise. Donc, à ce moment-là, ils ont intérêt à avoir un bel amphithéâtre. Et il y a un élément qu'on ne faut pas oublier non plus, l'élément spectacle. On n'est pas capable de présenter des spectacles d'envergure avec 3 puis 4 000 personnes parce que Centre Vézina est rendu maintenant inadéquat pour ce genre de spectacle qu'on veut présenter. Mais Phil, est-ce que le centre, au centre-ville, mettons sur la rue Racine, nouvel amphithéâtre, ça aurait un impact aussi? Oui, ça aurait probablement un impact, mais moi je trouve qu'actuellement, le Centre Vézina, je le trouve bien placé. Okay. Je vais donner un exemple et je vais t'expliquer pourquoi. Les gens de Coutimi-Nord peuvent facilement aller au Centre Vézina, il est accessible. Les gens de la baie, il est accessible facilement. Les gens de Chicoutimi, accessible, bien entendu, parce que c'est dans le centre. Même chose pour les gens de Jonquière qui s'en viennent. Pour eux, c'est un petit peu plus loin, mais tu as deux artères principales, boulevard Saguenay et la route 170 pour arriver là. Deux, quand tu sors de l'amphithéâtre après l'aréna, tu as cinq sorties possibles pour libérer le Centre Vézina. Moi, je pense que c'est là où c'est vraiment bien sensible. Il y a des gens qui parlaient dans le coin de Costco ou des choses comme ça, mais là, tu serais confronté à peut-être une ou deux sorties loin. Maximum. C'est trop loin. Très difficile. Il est très loin du centre-ville également. Donc, moi, personnellement, je pense actuellement où il est bien situé. Puis moi, je rebâtirais probablement dans le même secteur. Okay. Puis en plus, t'as l'université, t'as tout le secteur du cégep qui est tout à côté. OK. Mais Phil, en terminant cette dernière question, maintenant, moi, je pense que ce qui va arriver, ça va être la rénovation. C'est une solution pauvre, mais ça va être ça pareil. Et est-ce que l'administration municipale actuellement, ça aurait été un Jean Tremblay, si, mettons José Néron, ça me semble ça a moins de chances de passer que ça aurait été un Jean Tremblay. Tu es d'accord avec moi? Ben, M. Tremblay, c'était dans les projets de la ville, là. Oui, mais la construction, je te parle, là. Ah, la construction, non. Lui était très favorable à une rénovation et non une construction. Mais Mme Néron. Ouais. Moi, je pense que Mme Néron va peut-être être plus sensible à vouloir peut-être un nouvel amphithéâtre, quoique elle ne s'est pas exprimée ouvertement là-dessus. Moi, des gens de son entourage me disent qu'elle regarderait sûrement au départ une rénovation à cause des coûts. Mais si les gouvernements sont prêts à embarquer, quand tu regardes là, ça, c'est un tiers. Ouais. Ben, mettons un projet de 50 millions. Donc, ça veut dire que ce serait 15 millions pour la ville de Saguenay, plutôt que de 8 millions de rénovation à 25 millions. Donc, est-ce qu'on est à 7 millions près d'avoir un amphithéâtre qui va être là pour une décennie complète, pour 50, 60 ans, ou on va mettre 20 millions pour peut-être 15, 20 ans? Moi, personnellement, je pense qu'il faut penser à long terme et non à court terme. Ben, c'est clair. J'ai hâte de voir Michel, je vais y parler. Ça fait un peu bizarre, Michel, aussi. Moi, je trouve ça bizarre. Je n'ai parlé à Simon. Je trouve ça bizarre que le gars qui... Puis Michel, je parle tous les jours, là, mais je vais lui demander, là, commentateur, puis il va s'occuper de ça. Ça me dit dans ma tête. Et probablement que j'aurais été élu, ça aurait vraiment été ça aussi, moi. Non, mais il est entre l'arbre et l'écorce. Ouais, c'est ça, lui. Il peut pas dire ce que lui pense pour une raison précise. C'est qu'il faut qu'il soit solidaire des gens qui sont autour de la table. Ouais. Et deux, il sait des choses que moi puis toi ne savons pas quand on parlait de budget. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on devra regarder. Ouais. Salut, Phil, on se repasse la prochaine. J'aurais voulu te parler de la nouvelle de la semaine, de l'année, selon moi. C'est les Russes. En terminant avec un petit commentaire, moi, je trouve que c'est la nouvelle de l'année. C'est toute une bombe, hein, cette semaine. Hein. Les Russes qui ont exclu... Répète-moi ta question. C'est la nouvelle de l'année. On n'en a pas parlé, mais c'est la nouvelle de l'année dans ma tête à moi. Les Russes qui ont été exclus des Jeux olympiques. Ah ouais. Qu'avec tout ce qui s'est présenté, puis tout ce qui s'est dit, puis les preuves qui ont été apportées, moi, je pense que le comité olympique n'avait pas le choix. Ouais, mais ça prenait des coups, il paraît. Oui, effectivement. Ça prend des gens qui décident, mais faut que tu le fasses pour le bien des athlètes. Ouais. Imagine-toi l'athlète là, qui a terminé quatrième, puis c'est quelques mois plus tard que l'athlète russe était dopé, puis que lui, il a perdu sa fameuse médaille. Mettons qu'aujourd'hui, on l'exclut, puis on dit à Phil Desgagnés, t'as terminé quatrième, on va te remettre maintenant ta médaille parce qu'en réalité, tu aurais dû terminer troisième. C'est pas le même impact pour l'individu l'euphorie du moment, l'arrivée au Canada. Ça prend 4 ans ou 5 ans avant que tu aies eu une réponse. Tous les commanditaires qui auraient pu s'ajouter au nom du gars qui a remporté une médaille parce que ça se monnaie, c'est toutes ces choses-là qu'on ne pourra pas maintenant revivre. Et je pense que c'est un peu ça qui est dur pour les athlètes. Et moi, je pense qu'il fallait donner un exemple. Tu donnes pas un exemple, on aurait expulsé un pays qui gagne une médaille. Je veux dire, personne n'en aurait parlé. Et là, on parle de la Russie, on parle d'une organisation majeure qui remporte le lot, souvent, la majorité des médailles olympiques. Je pense qu'il fallait poser ce geste-là. Puis on était clair. C'était tellement organisé. J'écoutais Mme Ayotte cette semaine, comment il était organisé tout le système. Je pense qu'il fallait... Il n'y avait pas le choix. Mais je pense que ça n'a même pas été une décision difficile à prendre pour ces gens-là. C'est tellement flagrant, puis tout le monde était d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y avait pas le choix de prendre cette telle décision. Phil, on s'en parle le vendredi prochain. C'était le commentaire de Phil.